بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Toujours dans traduction du livre تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام. Semaine dernière ou dernier cours, on avait expliqué les hadiths 81, 82, 83 et 84. Le hadith 81 est le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qui se propose pour nous le réciter. Makan. Munir. Fadala. أن النبي كان يديه حذوة منكبيه نعم افتتح نعم افتتح الصلاة كبر وإذا كبر للركوع وإذا رفع من رأسه من الركوع نعم ورفعهما كذلك نعم وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان ينفع يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل وكان لا يفعل وكان لا يفعل ذلك في السجود. أحسنت بارك الله فيك. رواه البخاري ومسلم. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui se propose. L'Hassan. An Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Naam. Ala jabhati. Wa ashara. Ashara. أشار نعم على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين وركبتين وأطرافي أحسنت بارك الله فيك. الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. رشيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يكبر ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه c'est-à-dire quoi صلبه غدونا نعم ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه Je t'ai pas informé, elle n'est pas seule, Rachid. Aïd, Aïd. An Abi Huraira radiallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم طيب ثم يكبر حين يركع ثم يكبر حين يركع ثم يقول رب ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع نعم ثم يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي قبل أن يرفع رأسه ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه نعم ثم يكبر حين يرفع حين يسجد نعم ثم يكبر يرفع رأسه حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أحسن بارك الله فيك رواه البخاري ومسلم صح حديث جور faut pas te décourager. Et il est dur et facile. Il faut seulement suivre l'ordre et après ça coule de source. Taïb, le 84e hadith de Mutarif ibn Abdillah ibn Shikhir. Qui nous le récite? Nadir Salim. Allez Nadir. Tfadab. علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد. طيب يقول المؤلف رحمه الله الحديث 85 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء رواه البخاري ومسلم واللفظ له. Donc, selon le 85e hadith, selon le Bara ibn Azib radiallahu anha, quel est le hadith populaire qu'a rapporté le Bara ibn Azib? Un hadith connu par beaucoup de gens, qui est le hadith de Bara ibn Azib. Hadith al-Qabr, adabihi wa na'imihi. Le hadith du châtiment de la tombe qui parle des supplices et des délices de la tombe et le hadith de l'Bara ibn Azib. Il dit, radiallahu anhu, j'ai scruté la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ramaqtu ay nazartu. J'ai vu la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu que sa station debout, ainsi que son inclinaison, fa'tida lahu ba'da ruku'ih, le fait qu'il se relève de l'inclinaison. Fa-sajdatahu, fa-jalsatahu bayna as-sajdatayn, sa prosternation et l'assise entre les deux prosternations. Fa-sajdatahu, fa-jalsatahu ma bayna at-taslimi wal-insirafi qariba min as-sawa. Sa prosternation, puis son assise entre le taslim et son départ, était à peu près similaire. Et dans une version de Al-Bukhari, autre que la station debout et l'assise, elles étaient proches ou similaires. C'est clair ou pas? Pas du tout. طيب. Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu décrit comment il a vu la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ramaqtu as-salata ma'a Muhammad. J'ai vu la prière avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu que sa station debout, que son inclinaison, que lorsqu'il s'est relevé de son inclinaison, que sa prosternation, que son assise entre les deux prosternations, que sa prosternation, c'est-à-dire la deuxième, que son assise entre le taslim et le moment où il s'est levé pour partir. Cela prouve que le professeur Salam s'asseyait après avoir terminé la prière. Que tout ceci, tout ce qu'il a cité comme acte de la prière, était à peu près similaire en termes de temps. Était à peu près similaire en termes de temps. Et dans la version de Al-Bukhari, hormis le qiyam et le qu'oud, hormis la station debout et l'assise, tout était à peu près similaire en termes de temps. Donc dans la version de Al-Bukhari, il y a une information en plus qui dit que tous ces actes de la prière avaient à peu près un temps similaire, sauf pour la station debout et l'assise, et là il parle de l'assise du tashahhud, qui est plus long que les autres. Al-Ma'na al-Ijmari, le sens général du hadith. يصف البراء بن عازب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر أنها متقاربة متناسبة فإن قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود فلا يطول القيام مثلا ويخفف الركوع أو يطيل السجود ثم يخفف القيام أو الجلوس بل كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر وليس معناه أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود وإنما معناه أنه لا يخفف واحدا ويثقل الآخر وإلا فمن المعلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهما كما يدل عليه زيادة البخاري في الحديث. Donc, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit le sens général du hadith. Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, nous décrit la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite que la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à peu près similaire et que les différents actes de la prière étaient appropriés les uns vis-à-vis des autres. فَإِنَّ قِيَامَهُ لِلْقِرَاءَةِ lorsqu'il était debout pour lire, et son assise pour le tashahhud, يَكُونَانِ مُنَاسِبَيْنِ était approprié à l'inclinaison, au fait de se relever de l'inclinaison, à la prosternation. Il dit, rahimahullah, فَلَا يُطَوِّلِ الْقِيَامَ مَثَلًا لِخَفِفِ الرُّكُوعِ donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allongez pas la station debout et allégez l'inclinaison. Ou allongez la prosternation et allégez la station debout ou l'assise, c'est-à-dire pendant le tashahhud. Mais chaque pilier était approprié, était concordant avec l'autre. Et cela ne signifie pas que la station debout et l'assise pendant le tashahhud ont la même durée que l'inclinaison et la prosternation. Mais le sens est qu'il n'allégeait pas les uns et allongeait les autres. Sinon, ce qui est connu est que la station debout et l'assise pendant le tashahhud sont plus longs que tous les autres actes de la prière. Comme, hein? Justement, ce n'est pas partie de la sunna du professeur. Ce qui est connu dans la prière du professeur, c'était que la station debout lorsqu'il lisait et le tashahhud est ce qui était le plus long. Comme cela est prouvé par la version de Al-Bukhari de ce hadith. Que dit la version de Al-Bukhari? Hormis le qiyam et l'assise, c'est-à-dire l'assise du tashahhud. Hormis ces deux-là, autrement dit que ces deux actes sont une exception dans le fait que tous les actes de la prière ont la même durée approximative. C'est clair ou pas? Hadifa. طيب. ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient du hadith. اولا الافضل ان يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المقادير فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, c'est que le mieux est que l'inclinaison, le fait de se relever de l'inclinaison, la prosternation, de se relever de la prosternation, doivent avoir approximativement la même durée. Le prieur ne doit pas allonger l'une de ses postures par rapport à l'autre. Donc là, le shir parle bien de rukur, se relever du rukur, as-sujud et se relever du sujud. Thaniyan. أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. Deuxièmement, ce qu'on nous retient du hadith, c'est que le fait de se positionner debout pour lire et de s'asseoir pendant le dernier tashahhud, que ces deux postures doivent être plus longues que les autres. ثالثا, أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة. فيكون طول القراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود. Troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que la prière doit être dans son ensemble concordante. Qu'est-ce que cela signifie que la prière doit être dans son ensemble concordante? C'est-à-dire que la longueur de la prière doit concorder par exemple avec l'inclinaison et la prosternation. Donc si ta lecture est longue, donc ton inclinaison et ta prosternation doivent être plus longues que d'habitude. Et si ta lecture est plus courte que d'habitude, alors ton inclinaison et ta prosternation devront eux aussi être plus court que d'habitude. Il doit y avoir une concordance entre la longueur de la lecture et donc la longueur de la station debout avec les autres piliers de la prière. Mais cela ne veut pas dire que ton rukou' doit être de la même durée que ta lecture. Mais il doit y avoir, comme on dit, une proportionnalité. Non. Ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel. Et quand on dit proportionnel, ça ne veut pas dire égal. Lala Nadir. Chez spécialiste en mathématiques, c'est Salim, je crois. Hein? Proportionnel, ça ne veut pas dire égal. C'est en termes de quantité. Naam. طيب. رابعا. ثبوت الطمأنينة. ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود. خلافا للمتلاعبين في صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. Quatrièmement, On retient de ces hadiths la quiétude, que la quiétude doit être existante, doit avoir lieu lorsque l'on se relève de l'inclinaison et de la prosternation. Et ceci contrairement, comme les appelle ici Cheikh Al-Bassam, contrairement aux amuseurs, à ceux qui s'amusent dans leur prière, ceux qui ne mettent pas leur dos droit lorsqu'ils se relèvent de ces ou lorsqu'ils se mettent dans cette posture. Autrement dit, il parle de ceux qui se relèvent du recours en ne plaçant pas leur dos droit et en n'étant pas en quiétude durant cette position, et pareil lorsque ils se relèvent du sujoud. Et il appelle ceux qui font des actes contraires à celui-ci, autrement dit qui au moment même où il se relève de son inclinaison, il est déjà prosterné, il appelle cela des gens qui s'amusent dans la prière. Et at-tuma'nina, comme on l'a vu dans les cours précédents, la quiétude dans les piliers de la prière, comme al-ruku', al-raf'a minhu, al-sujud, al-raf'a minhu, que la quiétude fait partie des piliers de la prière. Et la preuve est le hadith de Moussi salata, thumma arka hatta tatma'inna raki'a, thumma arfa hatta tatma'inna qa'ima. Comme l'a dit le professeur Hassan, cet homme qui a mal accompli cette prière, il lui a dit, puis incline-toi en étant posé dans ton inclinaison, puis relève-toi en étant posé dans ta station debout, puis prosterne-toi en étant posé dans ta prosternation, puis relève-toi en étant posé dans ton assis, c'est-à-dire lorsque tu te relèves de l'inclinaison, de la prosternation à fouane. Donc les savants ont déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la quiétude dans ces moments de la prière est un pilier. Khamisan za'ama ba'dhum أن الرفع من الركوع ركن صغير لأنه لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود ولكن هذا قياس فاسد لأنه قياس في مقابلة النص فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. Cinquièmement, certains ont prétendu que le fait de se relever de l'inclinaison est un petit pilier, car il n'y est pas légiféré de répéter les glorifications comme cela est légiféré dans la prosternation et dans l'inclinaison. Et Cheikh Al-Bassam dit, rahimahullah, walakin hadha qiyasun fasid. Mais ceci est une analogie fausse, car c'est une analogie en c'est une analogie en présence d'un texte. Qu'est-ce que ça veut dire une analogie en présence d'un texte? Quand est-ce qu'on fait une analogie? Quand il n'y a pas de texte. Une analogie, c'est de dire telle chose a tel jugement que telle chose. Donc, tu as une chose qui est connue avec un jugement. Et tu as une chose qui est similaire, qui n'a pas de jugement, mais elle ressemble à la première. Donc ici l'analogie c'est de dire, celle-ci est interdite comme celle-ci car elle lui ressemble. Même s'il n'y a pas de hadith propre pour la seconde, mais il y a un hadith propre pour la première. Donc on fait l'analogie pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui vient interdire la seconde. C'est clair ou pas? Donc ici, ils ont dit que certains savants ont dit que ar-ruku' ici, le fait de se relever du ruku' est un petit pilier, contrairement au ruku' lui qui est un grand pilier car il est légiféré de dire subhanallah walhamdulillah, subhan rabbiyal azim, subhanal quddus, rabbul malaikati wa ruh, etc., etc. Alors que l'autre, c'est-à-dire le fait de se relever du recours, il n'y a pas cette répétition qui est légiférée. Et Cheikh dit que cela est une analogie qui est fausse, car il y a un texte qui est présent. Et ce texte qui est présent, c'est le hadith rapporté par Muslim, par plusieurs compagnons, dans lequel le professeur Hassan nous enseigne le rappel à dire lorsque l'on se relève du rukou'. Et le rappel à dire lorsque l'on se relève du rukou' est plus long que le rappel que l'on dit pendant le rukou'. Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite, hamdan kathiran tayyiban, mubarakan fih, mil'u samawati, wa mil'u ardi, wa mil'u ma shi'ta, min shay'in ba'd, ila akhir ad-du'a. Et souvent on dit que ce rappel est plus long. Donc on ne peut pas dire que de se relever du rukou' est un petit pilier et que le rukou' en est un grand nom. فائدة لكون المعهود من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو تطويل قيام القراءة وقعود التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه المناسبة بين أفعال الصلاة عليه الصلاة والسلام بما فيها القيام فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة وابن دقيق العيد قال يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل أو تطويل ما العادة فيه التخفيف وهداني الله تعالى إلى المعنى المذكور في المعنى الإجمالي من أنه إذا طول القراءة طول غيرها من الأركان فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا ومثل القراءة القعود للتشهد ثم بعد كتابته وجدته رأي ابن القيم في كتاب الصلاة وتهذيب السنن وهذا هو الحق إن شاء الله. Puis Cheikh Al-Bassam rahimahullah fait une remarque en disant que ce qui est connu de la prière habituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'allonger la lecture et également l'assise du tashahhud, que ces deux positions ou ces deux actes de la prière étaient plus longs que les autres. Et les savants qui ont expliqué les hadiths ont divergé sur le sens de la concordance dont on a parlé tout à l'heure, de la concordance entre les différents actes de la prière. L'imam Nawawi rahimahullah a dit que le fait que le professeur Hassan allongeait la lecture et le tashahhud était quelque chose qu'il faisait de temps en temps, et pas tout le temps. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer la concordance entre les différents actes de la prière. Et l'imam Nudaqiq al-Aïd, rahimahullah, a dit que cela signifie d'alléger ce qui pour habitude est allongé, et d'allonger ce qui pour habitude est allégé. Comme ça qu'on peut avoir une certaine concordance dans la prière. Et Cheikh al-Bassam dit, et Allah m'a guidé vers le sens que j'ai cité dans le sens général du hadith. Qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh? Ici, le Cheikh al-Bassam dit, Allah m'a guidé vers l'explication que j'ai donnée dans le ma'na al-ijmali, dans l'explication générale du hadith que l'on a lu tout à l'heure. La proportionnalité. C'est-à-dire que si le prieur fait une prière, lit longuement et fait un tashahhud long, alors il doit allonger son recours et son sujoud de ce qu'il fait pour habitude. Et si il allège sa lecture, alors il allège aussi proportionnellement son inclinaison et sa prosternation. Et il dit, rahimahullah, cela est valable également pour le tashahhud, celui qui allonge sa durée de tashahhud. Et lorsqu'on parle de tashahhud, ici le Cheikh parle du dernier, eh bien, il allonge également les autres piliers de la prière. Puis il dit, et après avoir écrit cela, après avoir écrit ce sens, j'ai trouvé que c'était également l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre As-Salah, et dans son livre Tahdhib al-Sunan, et il dit, rahimahullah, et ceci est la vérité, incha'Allah ta'ala. Est-ce que c'est clair ou pas? طيب. الحديث السادس والثمانون عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم. Selon Thabit al-Bunani, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit: je ne vais pas manquer, dans la prière que je vais faire pour vous, comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inni la alu ay la uqassir. Ici, Anas ibn Malik radiallahu an a dit qu'il allait prier et qu'il allait présider la prière et qu'il n'allait pas manquer à l'égard de celle-ci et qu'il allait la faire comme le faisait le prophète, comme la faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Thabit, et Thabit qui rapporte de Anas a dit, et Anas radiallahu an a fait une chose et je n'ai vu personne d'entre vous le faire. Lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il restait debout jusqu'à ce que quelqu'un dise « il a oublié ». Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il restait, c'est-à-dire assis, jusqu'à ce qu'une personne dise « il a oublié ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي لسان جنرال دي حديث يقول أنس رضي الله عنه: إني سأجتهد فلا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا لتقتدوا به فتصلوا مثله. قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها لا أراكم تصنعون مثله، كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بعد السجود، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل من طول قيامه قد نسي أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل من طول جلوسه قد نسي. لسان جنرال في الحديث أنس رضي الله عنه دي. Il dit qu'il va faire des efforts pour ne pas manquer à l'égard de la prière qu'il va faire et qu'il allait prier comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que ceux qui prient derrière prennent exemple sur lui et qu'ils prient comme priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le rapporteur Thabit al-Bunani a dit que Anas radiallahu anhu a fait une chose dans sa prière qui fait partie des choses complètes de la prière qu'il n'a pas vu les autres le faire. Il allongeait sa station debout après l'inclinaison et son assise après la prosternation. Lorsqu'il relevait sa tête de l'inclinaison, il restait debout jusqu'à ce qu'une personne dise à cause de la longueur de cette station debout, il a oublié qu'il était debout entre le recours et le sujoud. Il a oublié qu'il était dans la station debout entre le recours et le sujoud. Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il restait au point qu'une personne disait à cause de la longueur de son assise, il a oublié. C'est-à-dire, il a oublié qu'il était entre les deux prosternations. ما يؤخذ من الحديث. Ce que l'on retient du hadith, فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بعد السجود وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Ce que l'on retient du hadith, il y a dans ce hadith une preuve qu'il est légiféré d'allonger la station debout lorsque l'on se relève de l'inclinaison et d'allonger l'assise après la prosternation, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الحديث السابع والثمانون le 87e حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم واللفظ له le 87e حديث سنو أنس بن مالك رضي الله عنه الجي je n'ai prié Je n'ai jamais prié derrière un imam qui avait une prière aussi légère et aussi complète que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها وَهَذَا مِنْ آثَارِ بَرَكَتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Le sens général du hadith. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, nie avoir prié derrière un imam, quel que soit celui-ci. Il nie avoir prié une prière derrière un imam, sans que la prière derrière le grand imam, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans que la prière derrière le grand imam soit plus légère, de sorte qu'elle ne soit pas difficile pour ceux qui prient derrière lui, et que lorsqu'ils sortaient de celle-ci, eh bien, ils étaient aspirés à y revenir. Et une prière, il n'a pas vu une prière aussi complète que sa prière. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière de façon complète. Il ne faisait aucun manquement à son égard. Il la complétait et la préservait. Et il faisait ses obligations et ce qui est préférable dans celle-ci. Et ceci est une preuve et une trace et une marque de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yu'khadhu min al-hadith. Ce que l'on retient du hadith. Awalan. أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيء فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها Ce que nous retient du hadith, premièrement, que l'imam doit accomplir une prière légère, de telle sorte de ne pas porter préjudice aux prières. Mais elle doit être aussi complète, de telle sorte, que rien ne soit diminué dans sa récompense. De la faire de façon complète et d'accomplir les obligations et les choses recommandées dans cette prière sans allonger. Et alléger cette prière signifie de se contenter des choses obligatoires et de certaines choses surérogatoires. Thaniyan, inna salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmalu salatin, falyahris al-musalli ala an yaj'ala salatahu mithla salatihi sallallahu alayhi wa sallam, liyahza bil-iqtida wa yafuza bi'azim al-ajr. Deuxièmement, que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la prière la plus complète. Le prieur doit donc s'efforcer que sa prière soit identique à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de gagner la récompense de se conformer au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir également une immense récompense. ثالثا فيه جواز إمامة المفضول للفاضل على تقدير أن أنس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذا السلطان كالإمام الراتب. Troisièmement, on retient de ce hadith également l'autorisation qu'une personne préside la prière alors que derrière lui, il y a des personnes meilleures que lui, ou des personnes meilleures qu'elle. Comment est-ce que le cheikh a déduit cela? Que Anas radiallahu anhu n'a jamais prié derrière un imam qui avait une prière aussi légère et complète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela veut dire que Anas a prié derrière beaucoup d'imams. Et cela sous-entend que, à coup sûr, il a prié derrière des personnes qui étaient moindres que lui. Il a prié derrière des personnes qui avaient moins de valeur et moins de mérite que lui. Donc il est autorisé à ce que un imam préside la prière et que derrière lui, par exemple, il y a un grand savant. Est-ce qu'on dit non, c'est le grand savant qui est à présider, ou est-ce qu'on dit non, c'est l'imam? Hein? C'est l'imam qui décide, comme l'a dit le professeur Asselam, que l'imam, dans sa mosquée, la mosquée c'est son territoire. Non, c'est son territoire, et pareil pour le propriétaire d'une maison ou le locataire d'une maison, il est dans son domaine. Et personne ne doit le précéder dans son domaine. Et la mosquée, c'est le domaine de l'imam. C'est l'imam qui prie, c'est lui qui a la priorité, sauf si il l'a al-ni'adhan, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf s'il donne l'autorisation. Dans ce cas, il n'y a pas de mal. Comme l'a dit ici le Cheikh al-Bassam, que l'imam de la mosquée a la priorité sur autre que lui. Même s'il y a derrière lui des personnes meilleures que lui. Car c'est lui l'imam attitré. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah a même dit que le gouverneur avait le même statut que l'imam attitré. À coup les hal, il y a une divergence des savants sur ce hadith, yani fi sultane, que personne ne doit présider, qu'un homme ne préside pas la prière devant un homme dans son territoire. Est-ce que le territoire, est-ce que lorsque le gouverneur prie dans une mosquée, est-ce qu'il a la priorité sur l'imam ou pas? Là, c'est là où il y a la divergence des savants. Certains ont dit la mosquée c'est aussi le territoire du gouverneur. D'autres ont dit non, c'est le territoire de l'imam. À coup les hal, il y a une divergence des savants à ce sujet. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah dit que le gouverneur a le même niveau que l'imam attitré. Al-Hadith al-Thaminu wa al-Thamanun. Le 88e hadith. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض رواه البخاري ومسلم أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. Le 88e hadith. Selon Abi Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Jarmi al-Basri, il dit que Malik ibn al-Huwayrith, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu dans notre mosquée-ci et a dit: je vais prier pour vous, mais je ne veux pas la prière. je vais prier comme j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. J'ai dit à Abu Qilaba, c'est-à-dire le rapporteur, a dit, j'ai dit à Abu Qilaba, kayfa kana yusalli, et comment est-ce qu'il a prié? Il a répondu, il a prié comme la prière de notre cher celui-ci. Et le cheikh celui-ci qui est voulu, comme cela est cité après, c'est le cheikh Abu Yazid Amr ibn Salam al-Jarmi. Wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhad. Et il s'asseyait, il s'assoit lorsqu'il relève sa tête de la prosternation avant de se lever. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il s'assied lorsqu'il lève sa tête, lorsqu'il relève sa tête de la prosternation avant de se lever. C'est quoi cette assise? Jalsat al-istiraha, l'assise du repos. Quelle est l'assise quand on se relève du sujoud, on s'assied avant de se lever? Non, c'est jalsat al-istiraha, c'est qui est connu par jalsat al-istiraha. L'assise de ou la position du repos. المعنى الإجمالي يقول أبو قلابة جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدنا فقال إني جئت إليكم لأصلي بكم صلاة لم أقصد التعبد بها وإنما قصدت تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في أذهانكم فقال الراوي عن أبي قلابة كيف كان مالك بن الحويرث الذي علمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وكان يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائما. Le sens général du hadith. Abu Qilab a dit qu'est venu à eux Malik ibn al-Huwayrith, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu dans leur mosquée et leur a dit, je suis venu à vous pour prier devant vous une prière, mais je n'ai pas l'intention, je ne prie pas dans le but d'adorer, mais je prie dans le but de vous enseigner la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon pratique, afin que l'enseignement par la pratique soit plus proche dans vos esprits et que cela reste plus longtemps également dans vos esprits. Car celui qui voit, ce n'est pas comme celui qui ne voit pas. فقال الراوي عن أبي قلادة. Le rapporteur qui rapporte de Abi Qilada a dit, il a dit à Abi Qilada, comment Malik ibn al-Huwayrith, qui vous a enseigné la prière du prophète sallam, a-t-il prié? Il a répondu, il a prié une prière similaire à celle de notre cheikh Abu Yazid Amr ibn Salam al-Jarmi. Et il s'est assis une assise légère lorsqu'il s'est relevé de la prosternation avant de se lever. Lorsqu'il s'est relevé de la prosternation avant de se lever. C'est clair ou pas? اختلاف العلماء الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء بجلسة الاستراحة ولا خلاف عندهم في إباحتها وإنما الخلاف في استحبابها فذهب إلى استحبابها الشافعي في المشهور من مذهبه وأحمد في إحدى روايتين عنه واختارها من أصحابه الخلال لهذا الحديث الصحيح. La divergence des savants. L'assise dont il fait allusion dans ce hadith est celle qui est appelée chez les savants l'assise du repos. Et il n'y a pas de divergence chez les savants quant à son autorisation. Mais la divergence apparaît dans le caractère préférentiel de cette assise. Donc les savants n'ont pas divergé sur est-ce qu'il est autorisé ou non de faire jasat l'istiraha. Il est autorisé. La divergence est-ce qu'il est recommandé de faire jalsat al-istiraha ou non. Là, il y a la divergence. l'imam Shafi'i, dans l'avis qui est le plus connu de lui, est que cela est recommandé. C'est également l'avis de l'imam Ahmed, dans une des deux versions rapportées de lui, et c'est l'avis qu'a choisi l'un de ses compagnons, c'est-à-dire de l'imam Ahmed, appelé Al-Khalal, en utilisant pour preuve ce hadith de Malik ibn al-Huwayrith. وذهب إلى عدم استحبابها من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن العباس ومن المحدثين الثوري وإسحاق ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك وهو المشهور من مذهب أحمد وقال أكثر الأحاديث على هذا يعني تركها قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم وقال أبو الزناد تلك السنة إيه sont de l'avis que Jalsat al-Istiraha n'est pas recommandé parmi les compagnons Omar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Parmi les gens du hadith, Al-Thawri et Ishaq, parmi les imams, Abu Hanifa, Malik est l'avis le plus connu dans le madhhab de l'imam Ahmed. Wa qala aktharu al-ahadith 'ala hadha. Et il a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed, que la plupart des hadiths vont dans ce sens, c'est-à-dire de ne pas faire jalsat al-istiraha. Et l'imam al-Tirmidhi a dit, et c'est ce qu'a mis en pratique, ou c'est ce qui est mis en pratique chez les gens de science. Et Abu Zinad a dit, ainsi est la sunnah, c'est-à-dire de délaisser jalsat al-istiraha et que cela n'est pas recommandé. ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليها من كبر أو ضعف جمعا بين الأذلة قال ابن قدامة في المغني وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. Et d'autres savants ont dit que جلسة الاستراحة, l'assise du repos, a lieu lorsqu'il y a un besoin, comme une vieillesse ou comme une faiblesse. Et ceci en rassemblant l'ensemble des preuves. Al-Imam Ibn Qudama, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Mughni, et il y a dans cela un rassemblement des hadiths et un juste milieu entre les deux avis. Un juste milieu entre les deux avis. Le premier qui dit que c'est recommandé, l'autre qui dit que ce n'est pas recommandé. Et il y a le troisième avis qui dit que cela est recommandé lorsqu'il y a un besoin. Et c'est entre autres l'avis de l'imam al-Qayyim rahimahullah, c'est aussi l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et l'avis de Cheikh al-Uthaymin également, et ils ont pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait jalsat al-istiraha dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il a vieilli sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il a fait jalsat al-istiraha, wallahu a'lam. ما يؤخذ من الحديث سيكون غنتين دي حديث أولا استحباب جلسة الاستراحة وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة. Premièrement, on retient du hadith qu'il est recommandé de faire l'assise du repos. Et nous avons vu précédemment que l'authentique est que il est recommandé de la faire lorsqu'il y a un besoin. ثانياً إن موضوعها عند النهوض من السجود إلى القيام. Deuxièmement, son lieu, son moment, c'est-à-dire de cette posture de repos, a lieu lorsque l'on se relève de la prosternation vers la posture, vers la station debout. ثالثاً, إن القصد منها الاستراحة لبعد السجود من القيام لذا لم يشرع لها تكبير ولا ذكر. Troisièmement, le but de cette assise est de se reposer, car de se reposer vu la longueur qu'il y a entre la prosternation et la station debout. Entre la prosternation et la station debout, ce sont deux actes qui sont distants, qui sont éloignés. On se lève plus facilement d'une inclinaison vers la station debout que de la prosternation vers la station debout, cela demande plus d'efforts. Et si la personne est faible ou si la personne a est âgée, eh bien, elle a besoin de se reposer avant de faire cet effort. Ainsi, il n'est pas légiféré pendant cette posture ni de takbir ni de rappel. Donc, le takbir que l'on fait, on fait le takbir lorsque l'on se relève de la prosternation vers la station debout. On ne fait pas le premier takbir. Lorsque l'on se relève de la prosternation, on s'assied et puis après on se relève en disant encore le takbir. Non, il n'y a qu'un seul takbir qui n'est pas le takbir de jasat al-istiraha, mais qui est le takbir de lorsque l'on se relève du sujoud. Et il n'y a pas de dhikr. Il n'y a pas de rappel à dire pendant que tu es assis en train de te reposer. رابعا جواز التعليم بالفعل ليكون أبقى في ذهن المتعلم. Quatrièmement, l'autorisation d'apprendre de façon pratique afin que cela reste plus longtemps dans les esprits de ceux qui apprennent. Et ainsi a fait le professeur Asselam lorsqu'il enseignait la prière sur le minbar, et ainsi a fait Uthman radiallahu anhu lorsqu'il a enseigné. Parce qu'il a enseigné quoi? Qu'est-ce qu'il a enseigné Uthman radiallahu anhu? Les ablutions. رابعا خامسا جواز فعل العبادة لأجل التعليم وأنه ليس من التشريك في العمل فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم وهو قربة كما أن الصلاة قربة. Cinquièmement, l'autorisation de faire une adoration dans le but d'enseigner, et que cela ne fait pas partie du tashrik dans l'adoration. Qu'est-ce que le tashrik dans l'adoration? Non, c'est pas shirk. At-tashrik. La personne ne la passe en même temps que vous. Non. Est-ce que la personne la passe en même temps que vous? Ahsan, c'est quand tu mets deux niyas. At-tashrik, c'est quand tu associes deux intentions dans un acte. Est-ce que là on dit que Malik ibn al-Huwairith radiallahu anhu a prié en ayant deux intentions, celle d'adorer Allah et celle d'enseigner aux gens? Donc cela ne fait pas partie du tashrik. Pas comme par exemple celui qui entre à la mosquée à l'heure de Duha par exemple, et il prie deux raka'at avec l'intention de Duha et l'intention de Tahiyat al-Masjid. Est-ce que cela est autorisé ou pas? C'est autorisé ou pas? Oui, c'est autorisé. Et c'est ça, et c'est ce que les savants appellent at-tashrik. Certains disent c'est at-tashrik fil niyyah. D'autres disent c'est at-tashrik fil amal, yani que c'est comme une sorte de ça vient de shariq, c'est un associé, comme si tu associes. Certains savants ont vu, et lorsqu'ils parlent de cela, ils parlent de l'association dans l'intention. D'autres ont dit que c'est l'association dans l'acte. La prière est la même, c'est deux raka'at, et dedans il y a deux intentions. D'autres disent c'est l'intention qui est associée à la kulli hal. Certains parlent de at-tashrik fil amal, d'autres parlent de at-tashrik fil niyya. Ici justement, moi je me posais la question, est-ce qu'on a le droit de le faire ça? Ben oui, t'as le droit d'aller à la mosquée pour prier et puis profiter de l'occasion pour voir un frère. Et c'est pas, est-ce que ça fait pas partie des sagesses de Sainte al-Jama'a de voir les musulmans, d'être avec eux, de voir qui est là, qui est pas là, il y en a peut-être un qui est malade, tu vois? C'est aussi le but, c'est de créer un lien de fraternité entre les musulmans, le fait de prier à la mosquée en groupe. On fait écart. فإن الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم وهو قربة كما أن الصلاة قربة. Et ici le Cheikh Al-Bassam explique pourquoi le fi'l de Malik ibn al-Huwayrith radiallahu an n'est pas considéré comme un tashrik dans l'adoration, car il dit que la base de ce qui a poussé Malik ibn al-Huwayrith à prier, c'est d'enseigner. Et le fait d'enseigner, c'est une adoration. d'enseigner la science, d'enseigner la prière, d'enseigner le hajj, les ablutions, fait partie des adorations, comme le fait de prier est une adoration à part entière. On اكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cours reprendront inshallah le dimanche 16 mai. Barakallahu fikoum.